Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Utopia, architecture et utopie, une série documentaire de Camille Jusa, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a d'abord, pour commencer, une semaine de programmes spéciaux sur France Culture consacrés aux explorateurs, qui nous emmènent de Tintin à Mortefontaine, en Picardie, en passant par la reine des égyptologues. Et dans ce cas précis, elle nous entraîne à la poursuite de ces lieux et de ces espaces où l'on imagine un avenir meilleur, de cette part de rêve qui se niche dans la façon qu'on a d'imaginer la ville, la maison, voire même la prison. Et il y a donc aussi, au départ de cette série, ces liens entre la fête foraine, la féerie, la nostalgie et un urbanisme qu'on aimerait joyeux ou euphorisant. Alors pour commencer, les personnages. Un architecte, une historienne, un conservateur, un visionnaire un peu effrayant, le père de Mickey, le monsieur Otis, celui des ascenseurs, la Loy Fuller et ses voiles, la parisienne dans toute sa splendeur, des hommes en chapeau, des femmes en crinoline et quelques pompiers. Ensuite le décor, un trottoir roulant, un village suisse, le métro tout neuf, des grandes verrières, du stuc, du bois, du carton-pâte, Luna Park, Dreamland, la Floride, la climatisation, des gratte-ciels, la nostalgie du conte de fées, des pionniers, le train bleu et le pont Alexandre III. Aujourd'hui, premier épisode, retour en enfance. Welcome to Disneyland, USA. Bienvenue à Disneyland. C'était le rêve de Disney il y a une douzaine d'années, un projet lointain et irréel. Et aujourd'hui, plus de 60 millions de personnes sont venues de chaque État d'Amérique et de pratiquement tous les pays du monde. À Town Square, sur Main Street, nombreux sont ceux qui s'arrêtent devant la plaque commémorative, qui incarne la chaleur et l'esprit d'amitié du royaume magique de Walt Disney. À tous ceux qui arrivent dans ce lieu de bonheur, bienvenue. Disneyland, c'est chez vous. Disneyland est né du sentiment de Walt Disney qu'un parc d'attractions devait offrir plus à toute la famille. Demain, un projet si vaste qu'on l'a déjà appelé Disney World. Et maintenant, Walt Disney. Bienvenue dans ce petit morceau de Floride, ici en Californie. C'est ici que sont élaborés les premiers plans de notre projet intitulé Disney World. C'est la tâche la plus excitante et difficile que nous ayons jamais eu à accomplir ici, dans les productions Walt Disney. Et la partie la plus excitante, de loin la plus importante de notre projet en Floride, en fait, le cœur de tout ce que nous ferons à Disney World sera notre prototype expérimental de ville du futur. Nous l'appelons Epcot, et appelez-le E-P-C-O-T. Et voici le projet à plus grande échelle. En 1966, Walt Disney signe son dernier film, un étrange testament dans lequel il dévoile les plans d'une ville du futur, faite de décors bien ordonnés, une ville enclave inspirée de son parc d'attractions californien. Walt Disney n'a pas eu le temps de bâtir sa ville, mais comme toujours, le réel a dépassé la fiction, et on trouve ici et là des villes qui se donnent aujourd'hui des airs de parc à thème. Alors bien sûr, il y a les extrêmes. Dubaï, la ville collage qui voudrait les contenir toutes, ou encore Las Vegas. Mais il y a surtout, un peu partout dans le monde, des envies de ripolliner les façades, de faire à l'ancienne, un peu toc, un peu fake. Mettre des clôtures aussi restées entre soi, dans des minuscules utopies urbaines. Une architecture un peu outrée et carton-pâte, comme un retour du refoulé après un siècle dominé par l'architecture moderne, froide et rationaliste. Alors, nous avons voulu comprendre cette envie de vivre dans des décors de théâtre et comment les parcs d'attractions avaient pu influencer notre urbanisme. Voyager dans le temps et revenir à ces premiers lieux clos et utopiques pour mettre à jour les liens incestueux entre nos villes et leurs petites enclaves divertissantes. et en tout premier, s'aventurer à Paris sur les lieux de l'ancêtre des parcs d'attractions, l'exposition universelle de 1900. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Désolé. Hein, la ville féerique, ou comment les parcs d'attractions ont modelé nos villes. Camille Jusa, Guillaume Baldi. On est au cœur de l'Expo Universelle. Christophe Leribaud, vous êtes directeur du Petit Palais. On s'est donné rendez-vous ici sur les quais de Seine parce que c'est peut-être ici qu'on voit le plus ce qui reste de l'exposition universelle de 1900. Ça passait comment d'ailleurs? Elle était organisée comment? On arrivait par où? Alors en fait, on entrait par la place de la Concorde, par une porte monumentale, mais monumentale dans le sens 1900. Donc c'est une porte très bizarre, qui avait la forme d'un animal, une espèce d'animal marin, de la famille des oursins, tout en volute, qui n'a pas été conservée, parce que c'était quand même un peu excessif, mais avec en bas une frise avec des travailleurs, des paysans, etc. Mais tout en haut, une allégorie de la Parisienne. Une grande femme, élégante. Et c'est ça qui est très amusant, c'est que l'accueil à l'exposition universelle, ce n'est pas une figure de la République triomphante, comme ça aurait pu être en 1889, l'année du centenaire de la Révolution, il y a la Tour Eiffel. C'est la Parisienne. C'est-à-dire qu'on part du principe que ce qui est le symbole du nouveau siècle, de Paris et de la France, c'est une jeune femme élégante, dont on peut acheter d'ailleurs le modèle de la robe à découper dans des revues et se créer cette robe. Donc là, on est sous le pont des Invalides, tout près de la Seine, vraiment sur les quais. Devant nous, le pont Alexandre III, et on devine le petit palais. On voit un petit bout de dôme derrière les arbres. Évidemment, la très belle verrière du Grand Palais. En réalité, il y a énormément de restes de l'exposition universelle de 1900. Alors, il reste effectivement ces trois bâtiments. Il reste aussi la gare d'Orsay, transformée en musée. Et puis, il y a quelques bâtiments ça et là qui ont été démontés, reconstruits. Et puis peut-être ce qui est le plus familier des Parisiens et des étrangers, c'est le métro, bien sûr, hein, avec les fameuses entrées de métro d'Hector Guimard. Et le métro, c'est très important, évidemment, en amont d'une expo comme celle-là, c'est qu'il faut d'abord créer des gares, hein, la gare d'Orsay et bien sûr la gare de Lyon, que j'oubliais, magnifique décor, avec son campanile, le restaurant Le Train Bleu, avec les dorures, les peintures, très, très amusante, hein, c'est... Troisième gare, la gare des Invalides, là on est à proximité. Alors ça c'est la gare officielle, c'est la gare chic pour les invités d'honneur, les têtes couronnées. Têtes couronnées qui sont venues en 1900, qui n'étaient pas venues en 89, parce que c'était une exposition trop républicaine. Donc en 1900 on fait bien les choses, on a une gare un peu rococo, un peu tout ce qu'il faut pour accueillir tout ce monde-là, qui est installée donc à l'aplomb de l'esplanade des Invalides, avec ce nouveau pont Alexandre III qui dessert l'Élysée. C'est-à-dire que le pont Alexandre III, de nos jours, bah, il sert pour aller des Champs-Élysées aux Invalides, mais au départ, c'était quand même une fonction entre l'Élysée et cette gare d'honneur. Donc on a parlé de cet aspect transport, mais évidemment, le métro est très très important, parce qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui viennent à Paris, c'est plus que toute la population française, évidemment, à l'époque, et il faut pouvoir les véhiculer. Depuis 5 ans, d'immenses travaux ont bouleversé les deux rives de la Seine, entre les Invalides et la Tour Eiffel. Une ville nouvelle, éphémère, se créait à l'intérieur de l'autre. Tout un quartier de Paris prenait l'aspect fabuleux d'un pays inconnu, dont la porte monumentale, du plus pur moderne style, se dressait près de la place de la Concorde. De l'esplanade des Invalides, en face du pont Alexandre III, une ville de palais blancs faite de bois et de staff était sortie de terre. Les pays du monde entier y comparaient les produits de leur manufacture, meubles, tapis, bijoux, tissus. Le caoutchouc, dans ses applications les plus récentes, était la grande nouveauté. Alors le principe d'une expo universelle, c'est effectivement d'éblouir, surtout quand, si on remonte à l'historique en fait de ce phénomène, hein, c'est-à-dire les expos universelles en alternance entre Londres et Paris. Donc c'est à chaque fois entre les deux états rivaux de montrer qu'on pouvait toujours faire plus grand, plus luxueux, à la fois plus inventive, mais plus riche, plus savant aussi, plus industriel. Donc l'Expo de 1900 est vraiment l'apothéose. Je pense que c'est l'exposition la plus grande, la plus spectaculaire. Parce que l'idée de l'exposition universelle, c'est quoi ? C'est à la fois de montrer la modernité, la technologie d'un État, mais aussi de faire voyager, c'est ça ? Alors il faut faire rêver. Au départ, l'objectif est industriel. Dans l'archéologie des expos universelles, il y a les expositions des produits de l'industrie qui mettaient en valeur les manufactures. On pouvait montrer en Angleterre ou alternativement en France et ailleurs combien nous savions faire de belles porcelaines, des beaux tapis, des soieries, et puis après des machines à vapeur et des choses comme ça. Ensuite, pour que le public vienne, il faut leur donner un certain faste. Alors, ça s'enchaîne au cours du XIXe siècle aussi, parce qu'il y a des rivalités politiques entre Napoléon III, la reine Victoria, etc. 1889, centenaire de la Révolution, la République est vraiment, vraiment installée, techniquement, économiquement, etc. Il y a un vrai boom en France, donc on le démontre justement avec la Tour Eiffel, qui est un prodige technique, qui montre le fer, qui montre le succès des ingénieurs. Alors qu'en 1900, maintenant, tout le monde sait faire ce genre de bâtiments, de grands halls, de gares, etc. Et on est davantage dans le luxe, dans l'ornement, dans la joie de vivre. Et du coup, des bâtiments, justement, comme le Grand Palais et le Petit Palais, qui ont une ossature métallique, qui ont des très belles verrières, etc., tout ça est un peu caché. Derrière de la pierre, des sculptures habillées. On sort d'un 19e siècle et le triomphe de la technique, mais on entre dans un nouveau siècle qui sera le siècle de la consommation de masse, du voyage populaire, de mille autres choses qui dépassent les prodiges industriels. Alors, il y en a quand même. Le pont Alexandre III, on le voit d'ici, il est extraordinairement plat. Donc, techniquement, c'est extrêmement compliqué. Mais il y a beaucoup d'ornements, des guirlandes, voilà, il y a tout un décor, mais il y a surtout donc une arche unique, d'une volée absolument incroyable, et puis quatre pylônes surmontés de groupes sculptés, de frémiers, dorés, etc. Donc c'est très clinquant. Et alors vous dites, l'idée aussi, c'est qu'il faut attirer les spectateurs, il faut les éblouir. On s'est donné aussi rendez-vous ici parce qu'en fait, cette exposition, elle se déroule en fait, de chaque côté de la Seine, et notamment... Ici, je crois, il y a la rue des Nations. J'ai apporté un petit dépliant parce que il y en a eu. C'est un album ancien que vous nous ouvrez, qui est un très joli reliure rouge, qui date de l'époque. Oui, pour les visiteurs, les touristes. Ça a été publié en millions d'exemplaires. Les produits dérivés, on n'a rien inventé, ou plutôt si, on a tout inventé en 1900. Nous montre les sites principaux. Donc nous sommes là, au pied du pavillon de l'Italie, qui ressemble au Palais des Doges. Sur la rive gauche de la Seine, entre l'Alma et les Invalides, la succession des palais des puissances étrangères était appelée Rue des Nations. La Suède, étrange d'Éric aux écailles de bois. À côté de la Suède, un grand bâtiment carré de style florentin, le palais de la principauté de Monaco. Le pavillon de l'Espagne emprunte ses tours à l'Alcazar de Tolède. La Norvège, rustique chalet de sapin. La Belgique, reproduction de l'hôtel de ville d'Audenarde. L'Angleterre, copie d'un château du XVIe siècle, Kingston House. À côté, la Hongrie. La Bosnie-Herzégovine, le pavillon d'Autriche de style baroque, le pavillon des États-Unis coiffé d'un dôme. Alors, il faut vraiment imaginer que, donc là, nous sommes sur les quais de la Seine. Au-dessus, on a ce qui est aujourd'hui une avenue, que les voitures empruntent, on les entend un peu. Mais là, sur la photo, en 1900, il faut imaginer non pas des immeubles haussmanniens, mais d'énormes structures, une série de palais qui sont tous en stuc, en fait. C'est ça ? Il y a peut-être des choses en bois, il y a peut-être des choses en pierre, mais enfin, bon, tout ça n'est pas fait pour durer. Et donc, c'est un petit côté Fort de Paris, secteur tourisme. On vante de chaque pays ses traditions, alors même qu'au départ, les expos universelles auraient mis plutôt en valeur l'industrie prussienne, des choses comme ça. Là, on fait vraiment dans le pittoresque. Très loin de là, un grand village suisse avait été reconstitué entre l'avenue de Suffren et la Motte-Piquet. On y trouvait des vallons, des cascades, des verts pâturages et des bois de sapin. Des divertissements folkloriques étaient donnés dans ce paysage enchanteur, recréé par le stuc et le ciment. Sur la rive opposée, à l'emplacement actuel du musée d'art moderne, s'élevait une reconstitution du vieux Paris, imaginé par M. Robida, célèbre pour ses romans d'anticipation. Alors c'est très, très carton-pâte, hein. Mais à côté, Strasbourg, c'est du Bauhaus. Hein. Tout ça, ce sont aussi des attractions. Hein. Il y a des cafés, et je suis sûr qu'on vous servait en poulaine et en hénin, de la bière, etc. C'est fait. Justement, l'exposition universelle n'est pas une expo trop sérieuse, celle de 1900. Il y a plein de cabarets, il y a plein de choses pour acheter des petits guides, pour offrir à boire, pour acheter des petits souvenirs de rien du tout. Alors cela dit, ça n'empêche pas d'avoir des pavillons comme celui de l'optique, qui met en avant une longue vue formidable, qui permet de voir des planètes lointaines. En même temps, il tourne à l'attraction touristique. Parce qu'il y a un café, là encore, où les serveurs sont déguisés plus ou moins en martiens. Enfin, voilà, on est dans les planètes. Voilà. C'est pas une expo très sérieuse. Paris a décidé d'être la capitale du luxe, du glamour, de la joie de vivre. Tout ce qu'on peut pas trouver à Vienne, hein, qui déprime plus que jamais, hein, même si Freud n'a pas encore la réputation qu'il aura plus tard. Londres est quand même une capitale victorienne, un peu corsetée. En fait, ce que vous nous décrivez, c'est quand même un grand parc d'attractions avant l'invention des parcs d'attractions. Alors, c'est pas avant l'invention, c'est un parc d'attractions. Et alors, ce qui est amusant, c'est cette mise en miroir. C'est-à-dire que de l'autre côté de la Seine, juste là, le long du Grand Palais et du Petit Palais, il y a la rue de Paris, dans lequel on pouvait retrouver un cabaret de Montmartre, où il y avait le pavillon d'Aloï Fuller qui dansait avec ses grands morceaux de tissu, ses voiles, qui fascinait totalement nos ancêtres. Donc ça voulait dire qu'au bord de la Seine, en contrebas du Grand Palais, on représentait le Paris léger de Montmartre. De 2 km plus loin, quoi. Je pense que l'exposition universelle, évidemment, a beaucoup apporté à Paris. Ça modèle quand même pas mal la ville. Et puis, ça a un impact énorme aussi sur la réputation de Paris, justement, comme capitale des arts et des plaisirs, qui ont été mis vraiment, un aspect qui a vraiment été mis en avant par les concepteurs, les promoteurs de l'expo de 1900. Et je pense qu'on vit encore sur cette image d'un Paris de plaisir, hein, avec une architecture colorée, spectaculaire, des grands axes, des boulevards, des cinémas. Enfin, c'est cette ville qui est restée une attraction pour le monde entier. Et vous pensez que ça s'origine à ce moment-là ? Ah, je pense que l'expo universelle de 1900, qui ouvrait donc ce siècle, était le meilleur coup médiatique jamais connu par la ville de Paris. Le précédent, c'était la révolution de 89, la prise de la Bastille. Mais enfin, c'était pas fait pour attirer le chaland, même si évidemment l'impact était tout autre. L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en 2 planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8,5 km et l'autre de 4,5 km. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Le mouvement est continu, le tarif unique est de 50 centimes. Être sur les bords de la Seine à la nuit tombante et regarder la tour Eiffel, le Grand Palais, la gare d'Orsay s'éclairer peu à peu. Glisser jusqu'à la place de la Concorde, et voir la grande roue luminescente envoyer ses rayons vers le ciel. Et se rendre compte que les emblèmes de la capitale sont d'abord ça, les restes d'une grande fête qui a eu lieu un jour ici, un grand décor de théâtre dont on aurait gardé les plus belles pièces, de gigantesques attractions, et s'aimer dans la ville. De l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, c'est le parc d'attractions qu'on invente justement. Et comme c'est l'Amérique et tout y est toujours plus grand, en offrande, on lui donne un morceau de territoire, Coney Island. Françoise Fromono, vous êtes critique d'architecture et professeur d'architecture. En 1978, Rem Koolhaas, l'architecte hollandais, publie un manifeste rétroactif qui s'appelle New York Délire, où il est question d'essayer de décrypter cette ville, Manhattan, et qui n'est pas une ville qui a fait l'objet d'un manifeste, mais dont il dit, lui, qu'on peut tirer un manifeste après coup. Oui, alors, peut-être pour éclairer un peu le propos de Colas en préambule, il faut essayer d'expliquer son projet, le projet qu'est ce livre. Avec lui, Colas va renverser la préséance entre les manifestes et les preuves de leur validité, entre l'utopie et la réalité, et ce, de manière délibérée, construite, revendiquée, pour se doter, lui, et le temps dans lequel il vit comme architecte, c'est-à-dire la fin des années 70, ce qu'il est convenu d'appeler le postmodernisme, d'une doctrine qui lui permettra de continuer à être moderne dans une époque qui a discrédité le moderne, le modernisme. Et Colas va se faire, dit-il, le « nègre » entre guillemets de Manhattan, le « ghostwriter », c'est-à-dire celui qui va, au terme d'une sorte de psychanalyse de cette ville, faire émerger la théorie inconsciente à partir de laquelle cette ville s'est fabriquée pour être ce qu'elle est. D'où le mot, le terme de manifeste rétroactif. Donc il va faire émerger l'utopie latente, informulée, d'une réalité qu'il a accomplie sans le savoir. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette ville qui a en effet fasciné les modernes, lui, pour commencer cette psychanalyse ou cette archéologie de l'inconscient de Manhattan, il plonge dans Coney Island et dans les parcs d'attractions qui s'inventent au tout début, à la toute fin du 19e siècle à Coney Island. Il faut bien se rappeler que ce livre est une histoire fictionnelle, hein, de Manhattan. Colas fait se saisit dans l'histoire de la ville, qu'il a beaucoup étudiée, d'un certain nombre d'épisodes réels, vrais, qu'ils montent ensemble de telle manière qu'ils se mettent à converger vers une interprétation de la ville. Et dans cette veine, il consacre donc un chapitre à Coney Island, qui est cette petite île au pied de Manhattan sur l'océan. Il prend l'histoire des parcs d'attractions qui se sont succédés pour fabriquer l'urbanisme de cette petite ville comme, alors il a tout un florilège de mots pour le désigner, comme un incubateur, comme un laboratoire, comme un banc d'essai, des inventions architecturales dont Manhattan va s'emparer et qu'elle va faire fleurir à travers le gratte-ciel qui va reprendre, exacerber, transformer en architecture et en urbanisme d'un genre nouveau. Après le grand incendie qui va détruire Coney Island et son principal parc d'attractions Dreamland en 1911. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces parcs d'attractions à Coney Island? Qu'est-ce qu'on invente comme urbanisme, comme objets architecturaux qui vont inspirer les promoteurs de Manhattan? Alors Colas retrace l'histoire de l'urbanisation de cette petite péninsule de Coney Island en montrant comment d'abord elle est le lieu des loisirs urbains des habitants d'une Manhattan qui commence à se densifier. On va donc à la plage, des grands hôtels se construisent, donc tout ça est au début à peu près normal, entre guillemets. Et puis petit à petit, une sorte d'emballement va se produire et la demande, nous dit-il, des Manhattaniens, des New-Yorkais, va devenir de plus en plus exigeante pour les attractions. Et graduellement, nous dit-il, Coney Island va être le lieu où la technologie, qu'il appelle la technologie du fantasme, les techniques de reconstitution par l'attraction foraine d'un monde naturel qui est de plus en plus exclu de cet urbanisme, va prendre des proportions de plus en plus extraordinaires qui, nous dit Colas, vont défier de manière de plus en plus extravagante les lois de la gravité, l'ordre du climat, le jour et la nuit. Toutes ces attractions sont une sorte de reproduction artificielle du monde, de plus en plus délirante, dont Manhattan va ensuite se saisir pour les exagérer à son tour dans son urbanisme. Première attraction entre toutes et immense succès populaire, avec Steeplechase, on peut de jour comme de nuit chevaucher des chevaux mécaniques montés sur des rails. On vit artificiellement, à quelques encablures de Manhattan, le mythe fondateur de l'Amérique, celui du cow-boy. On en éprouve les sensations sans en risquer les dangers. Face au succès de Steeplechase, un second parc ouvre, Luna Park, dont les célèbres lettres lumineuses éclairent la nuit de Coney Island. S'y édifient des tours, certaines dans lesquelles on peut grimper, d'autres en carton-pâte. La nuit, soulignée par des guirlandes électriques, elle dessine la première skyline des États-Unis, longtemps avant celle de Manhattan. Des images et du toc, donc, mais qui s'impriment sur la rétine des New-Yorkais. Et puis, le troisième grand parc, celui le plus délirant, le plus fou de tous, Dreamland, qui a été promu par le sénateur William Reynolds, qui sera d'ailleurs dans les années 30 le promoteur du Chrysler Building. Donc on voit le lien, hein, même direct, hein, les mêmes acteurs travaillent à la fabrication de cette réalité alternative. Nicolas, d'abord dans cette organisation du loisir et du fantastique des parcs à thème, et ensuite dans la réalité de la promotion immobilière sur l'île, qui ne va pas pour autant abandonner cette idée fantastique de reconstruire autrement un monde totalement artificialisé. Et donc Dreamland, le parc qui devient une sorte d'île dans l'île, c'est-à-dire qu'il y a un emboîtement d'utopie dans toute cette histoire. Coney Island est une île à côté de Manhattan qui en est une aussi, elle la préfigure, et à l'intérieur de Coney Island, il y a Dreamland, qui est une sorte d'insularité délirante dans laquelle on trouve alors là une association incroyable d'attractions qui vont de la ville des nains, Lilliputia, pour laquelle le promoteur du parc à thème a rassemblé tous les nains d'Amérique pour fabriquer une sorte de ville en miniature, des tableaux qui représentent la chute de Pompéi. On peut faire une promenade en sous-marin, on peut assister à la fin du monde, il y a un cirque, on peut survoler Manhattan, on peut se promener dans les canaux de Venise, on peut traverser la Suisse, ça c'est un épisode extraordinaire, on reconstitue des montagnes suisses et on utilise la climatisation nouvellement inventée pour donner une sorte de souffle d'air froid à l'intérieur de ces montagnes, pour que même le climat renforce l'impression de simulacre des montagnes alpines, la lutte contre le feu. Voilà, on crée un incendie artificiel que des pompiers viendront éteindre et les spectateurs terrifiés mais rassurés au bout du compte auront assisté à quelque chose qui est lors de la conjuration d'un vrai incendie, enfin, etc., etc. Donc la Globe Tower, qui ne sera jamais réalisée et qui est l'ultime invention du parc de Dreamland, Colas postule qu'elle est une sorte de modèle, de maquette théorique de ce qui va s'accomplir avec le gratte-ciel manhattanien auquel il consacre pratiquement la moitié du livre ensuite. Dreaming of you, that's all I do. Night and day for you I'm pining. And in your eyes, blue as the skies, I can see the love light softly shining. Because you love me there, it seems, pray meet me in the land of dreams. Donc 1903, Dreamland est encore, enfin, Coney Island est en pleine effervescence, mais le gratte-ciel en tant que tel, c'est-à-dire la multiplication verticale par des planchers successifs desservis par un ascenseur, d'une empreinte au sol abstraite qui peut en théorie être infinie, la grande découverte quand même de l'urbanisme de Manhattan rendu possible par l'ascenseur, va réellement prendre son aspect de compétition entre les promoteurs à partir du milieu des années 10, et Colas ensuite liste et montre par des images d'époque cette course à la hauteur, hein, 1915, 30 étages, 1915, 44 étages, et ensuite de les occuper avec toutes sortes de programmes qui, comme dans la Globe Tower, vont se superposer et se mélanger virtuellement par le parcours permis par l'ascenseur à l'intérieur pour le visiteur. Et d'ailleurs, l'inventeur de l'ascenseur, Otis, présente son invention, non pas à Manhattan, mais à Coney Island. Voilà, il en fait une démonstration commerciale qui est une attraction en soi. Hein, c'est-à-dire que, si ma mémoire est bonne, la grande invention d'Otis, ça n'est pas tant l'élévation de la cabine d'ascenseur elle-même, la technique qui permet ça, c'est l'invention d'un crochet de sûreté qui permet à l'invention de n'être jamais catastrophique. Hein, et donc Otis a scénarisé son invention, hein, comme on peut l'imaginer. Hein, il organise une catastrophe dont il montre que son dispositif permet qu'elle n'arrive jamais. Et grâce à lui, l'ascenseur va devenir une technologie sûre qui va pouvoir être utilisée dans les bâtiments de promoteurs sur Manhattan. C'est pas seulement le gratte-ciel, j'imagine, qui inspire les promoteurs de Manhattan. Est-ce que c'est pas aussi l'idée d'une ville très spectaculaire, où chaque opération immobilière, chaque tour, va être un spectacle en soi aussi? Est-ce que c'est pas ça qui va inspirer cette ville, l'idée du spectacle? Oui, il y a certainement l'idée du spectacle, de ces bâtiments de plus en plus hauts. Mais ce que Colas montre aussi, c'est qu'au fond, alors que dans les étages de ces gratte-ciels manhattaniens, manhattanistes, on peut trouver, comme à Coney Island, toutes sortes d'activités, puisqu'ils sont une sorte de condensé, de concentré de ville. Hein, ils montrent très très bien, avec la coupe du Downtown Athletic Club, auquel ils consacrent toute une partie du livre, que dans ces grands bâtiments, ces structures qui sont à la fois très hautes et très, très larges, on superpose des programmes qui peuvent aller de la chambre d'hôtel au logement. On peut intégrer des équipements, on peut avoir un practice de golf, on peut avoir une piscine, on peut avoir des bars, on peut avoir des restaurants. Ils montrent sur pièces avec des photos d'époque. Cette prolifération délirante à l'intérieur d'espaces abstraits engendrée par l'extrusion d'une surface au sol vers le haut et qui constitue une ville, une sorte de ville dans la ville. On a une activité proprement délirante, mais au fond, que cette activité, elle est contenue dans des façades qui ne révèlent rien à l'extérieur de cette folie intérieure. Voilà, la tête de chapitre, la double vie de l'utopie, le gratte-ciel. Hein, d'ailleurs, Colas parle du gratte-ciel comme d'une formule utopique. Hein, cette idée de reconstruire le monde de manière artificielle, de le condenser dans ses étages et de pouvoir virtuellement les multiplier, ces étages, jusqu'à l'infini, voilà une formule utopique. Donc vous voyez, il dégage cette formule utopique de la réalité historique, lue par lui, du gratte-ciel de Manhattan. Mais il fallait aller voir le parc parmi tous les parcs. Celui inventé dans les années 50 en Californie et dont l'extraordinaire colonisation ne s'est pas limitée au monde réel, mais a aussi pris d'assaut nos imaginaires depuis plus d'un demi-siècle. Regardez de près l'archétype du parc, pénétrer dans l'île enchantée, dans cette ville en soi, et saisir ses liens non plus incestueux mais revendiqués avec nos villes et son désir d'étendre l'attraction à toute notre vie. Pierre Chabard, vous êtes professeur d'architecture et critique d'architecture et vous vous êtes intéressé à Disneyland Paris et ce qui se passe autour du parc d'attractions de Disney, ici. On n'entre pas n'importe comment dans un parc d'attractions. On a passé ensemble un certain nombre de séquences qui commencent d'ailleurs, même si tout de suite on donne le ton, qui commencent par une grande façade rose pastel, très 19e siècle, et qui donne le ton. Alors, on rentre pas n'importe comment dans un parc d'attractions, et surtout pas dans celui-ci, dans Disneyland, dont l'aménagement est extrêmement sophistiqué, qui est exactement le même que celui de Los Angeles qui a ouvert en 1955, le même que celui de Floride à côté d'Orlando au début des années 70. Donc c'est le même schéma. Hein. Donc une séquence d'entrée très sophistiquée qui nous fait passer à travers plusieurs filtres, plusieurs limites, plusieurs frontières. On accède à l'axe principal du parc qui est Main Street USA, qui est en fait l'axe de symétrie nord-sud qui organise le parc. C'est important, l'orientation de ces objets, c'est un peu comme une cathédrale gothique qui est tout le temps orientée de la même manière. Tous ces parcs Disneyland sont orientés nord-sud. Donc on entre par le sud et on est en face de cette rue fantasmée d'une ville américaine du début du siècle. C'est un moment un peu nostalgique d'un certain moment de la ville américaine, totalement perdu en fait. Et au bout de cette rue, le château de Comte de Fées, qui peut être totalement interchangeable. C'est à la fois le château de La Belle au Bois Dormant, de Cendrillon, enfin de toutes les princesses des grands dessins animés de Disney. Donc face à nous, on a cette apparition, cette architecture de dessins animés, mais qui tout d'un coup se réalise sous nos yeux, et qui est tout le temps éclairée par le soleil, puisque on est entré par le sud. Donc le soleil est toujours derrière nous et éclaire cet objet focal au bout de l'axe. Et puis, cet axe nord-sud se double d'un axe est-ouest. Donc là, on est totalement dans une cosmologie, donc une certaine manière de s'installer par rapport au cosmos, le nord, le sud, l'est et l'ouest. On part de l'entrée du parc, on quitte le réel finalement. C'est la séquence principale du parc, au fond. C'est la séquence fondatrice. Et Main Street nous conduit à ce monde qui s'appelle le monde de la fantaisie, le monde fantastique, le monde enchanté de l'univers disneyen. En fait, donc cet axe nord-sud, c'est l'axe du passage du réel à l'imaginaire, du réel au fantasme. Le mot fantastique, fantasia, fantaisie revient tout le temps. Finalement, tout le parc Disneyland est la construction en dur d'un fantasme collectif, d'un imaginaire fictif qui est organisé autour de l'univers disneyen. Et d'ailleurs, on mythifie même le passé, parce que cette Main Street, elle est construite comme une succession, une petite ville victorienne, avec une succession de façades, toutes plus pastelles les unes que les autres, avec des belles enseignes à l'ancienne, et qui en réalité cache derrière ces petites façades, c'est une très grosse galerie commerciale où on peut acheter tous les goodies de Disney. D'ailleurs, on peut circuler à l'intérieur de boutique en boutique, on n'a pas besoin de ressortir. Enfin, il y a une espèce de distorsion tout à coup de la perception de la réalité. Ce qu'on nous montre, c'est la ville ancienne, mais qui n'a jamais vraiment existé. Mais ce qu'on nous montre, ce sont des façades qui n'abritent pas des vrais magasins. C'est tout le paradoxe de Disney, de Walt Disney, donc l'inventeur de ce parc, qui était à la fois quelqu'un de très conservateur du point de vue culturel, du point de vue des mœurs, voire nostalgique d'un certain passé fantasmé de l'Amérique. Je crois que c'est Naomi Klein qui a parlé de Main Street USA comme d'un musée de la ville. Donc un musée avec tout ce que ça a de morbide, c'est-à-dire d'entrer quelque chose qui n'est plus en fait. Et le paradoxe, c'est que Disney, il est à la fois donc conservateur de ce point de vue-là, et c'est un ultra-libéral, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui est dans une idéologie du flux d'argent, du flux de marchandises, de la mise en mouvement des biens et des richesses. Et ça, c'est tout le temps un récit qui est permanent en fait dans le parc Disney. Cette idée que l'argent doit circuler, que les gens doivent consommer, que les biens doivent s'échanger, et que finalement, l'état idéal de la société, c'est ce flux permanent, cette mise en mouvement permanente. D'ailleurs, l'espace même du parc est organisé comme un espace de passage où on ne s'arrête jamais, où on va tout le temps d'un lieu à un autre, on est renvoyé d'un désir à un autre, d'un enchantement à un autre, et d'un désir qui n'est jamais tout à fait assouvi d'ailleurs, on est tout le temps projeté dans le suivant. On rentre dans ce parc d'une manière séquencée. C'est comme si on larguait les amarres. Quand on parle d'utopie, on pense forcément à l'île créée, Utopia, où à un moment on est allé jusqu'à scinder ce qui était une presqu'île, on l'a coupée du reste du continent. Ici, on a vraiment cette impression-là, et d'autant plus qu'on ne pénètre pas d'abord dans un parc d'attractions, on pénètre dans une ville. Une vraie ville, enfin, on nous représente une vraie ville. Comme si la féerie, l'attraction, etc., étaient toujours liées à la question de la ville. Alors, la référence à l'utopie, elle est très pertinente, parce que beaucoup de caractéristiques de la tradition utopienne se retrouvent à Disneyland. Donc, cette dimension insulaire, ce territoire qui est arraché à la réalité, où se déploie un univers autre, etc., nous renvoie complètement à cette tradition utopienne. Et cependant, elle est totalement en rupture avec cette tradition utopienne. Hein. Donc l'utopie, c'est d'abord une critique littéraire de la réalité, dont le but est de projeter un état meilleur, un état idéal d'une société qui marcherait mieux que la société réelle. Cette dimension progressiste de l'utopie est totalement renversée ici. Donc on est devant une utopie régressive en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est dans une utopie qui nous conforte dans un statu quo et qui nous aide à accepter le monde tel qu'il est, le monde capitaliste et libéral tel qu'il est. Et un des plus beaux textes sur Disneyland, il me semble, c'est le dernier chapitre, ou un des derniers chapitres du livre de Louis Marin, Utopie que je déface, qui compare Disneyland à une utopie dégénérée. Une utopie, mais qui aurait totalement perdu sa force critique, sa puissance de remise en question d'un état du monde. Et qui, au contraire, est là pour conforter le monde tel qu'il est. Hein, donc une utopie dégénérée dans le sens de Louis Marin, c'est une idéologie, je le cite de mémoire, une idéologie mais qui se réalise sous la forme d'un mythe. Hein, c'est-à-dire qu'on ne projette pas un état meilleur de la société, mais on mythifie la réalité telle qu'elle est pour la rendre acceptable. Bonjour à tous et bienvenue au Veuillez rester assis et garder bras et mains à l'intérieur. Pour faire virer votre tasse, tournez la roue dans la direction de votre choix. Merci et nous serons à l'arrière avec vous. Pour dessiner Disneyland, Walt Disney a inventé une organisation appelée les entreprises WED. Aujourd'hui, l'équipe de WED inclut des designers, des architectes et des ingénieurs, tous formés par Disney, et aussi des artisans et des techniciens compétents pour l'ère spatiale. WED fait de l'imaginierie, un mélange d'imagination créative et de savoir-faire technique. Au point que le talent de WED s'est étendu au-delà de Disneyland. Les réalisations de l'équipe de design de Disney ont été saluées par des bâtisseurs et des planificateurs très reconnus. Parmi eux, James W. Rouse, développeur de la nouvelle ville de Columbia. Dans son discours d'inauguration de la conférence d'urbanisme de 1963 à Harvard, M. Rouse a dit, je cite, « Je pense, et cela choquera peut-être une assemblée aussi sophistiquée, que le plus bel exemple d'urbanisme des États-Unis se trouve aujourd'hui à Disneyland. » Une grande question qui a taraudé Walt Disney pendant sa vie, c'était je crois qu'il l'a formulé comme ça dans un texte. Il disait quel rôle on peut attribuer au dessin animé pour construire le futur, en quelque sorte. Non plus simplement pour divertir les gens, mais pour devenir une sorte de méthode pour repenser la société, les villes, l'organisation générale de la vie quotidienne, en fait. Donc le projet de Disney déborde assez tôt simplement le divertissement. Et puis il s'était rendu compte aussi, donc c'est, faut jamais dissocier ce Disney utopien et ce Disney businessman. Il s'était rendu compte que construire un parc à thème à Los Angeles, ça générait beaucoup de conséquences immobilières autour. Et ça, il ne l'avait pas anticipé. Donc cette plus-value immobilière générée par la présence du parc, il n'en a pas tiré profit à Los Angeles. Et il s'est promis qu'il allait rectifier le tir au prochain coup. Et le prochain coup, ça a été la Floride. Hein, donc on passe de la côte ouest à la côte est. Et là, pendant plusieurs années, Disney achète des terrains en grand secret, sans se dévoiler. Et puis, il achète au bout d'un moment près de plus de 10 000 hectares de terrain marécageux près d'Orlando. Et là, il se lance, donc à la fin de sa vie, dans un très grand projet, à la fois immobilier et urbain, de construction d'un nouveau parc à thème Disneyland, mais associé à une véritable ville nouvelle. Et ça, c'est un petit peu le testament intellectuel de Walt Disney. C'est ce projet qu'il n'a pas mené à bien parce qu'il est, il est mort à peu près au même moment. Et qu'il appelle ? Et qu'il appelle Epcot. Experimental Prototype Community of Tomorrow. Une sorte de projet urbain qui est nommé par cet acronyme bizarre et qui est un projet urbain élaboré à l'intérieur des studios Disney par ces fameux imagineurs qui, 10 ans avant, ont fabriqué le premier Disneyland et qui étaient, avant ça, des gens qui dessinaient des dessins animés. Pour la ville du futur, nous ne prendrons exemple sur aucune ville existante. Epcot sera un environnement planifié qui démontrera au monde ce que la communauté américaine est capable d'accomplir quand elle contrôle la planification urbaine et le design. Epcot repose sur ce nouvel idéal urbain qui est apparu avec l'automobile. Nous l'appelons le plan radial. Figurez-vous une roue. À l'image des rayons d'une roue, la ville se déploie le long d'une série de radiales depuis un noyau animé au centre d'Epcot. Ce système de transport circule vers et à travers 4 cercles principaux d'activité entourant ce cœur central. Un quartier de shopping où les rues et les boutiques reproduisent l'atmosphère et le caractère des plus beaux endroits du monde. Cette ville, en gros, on pourrait la décrire assez simplement. Elle est organisée autour d'une épine dorsale qui a une vaste infrastructure de transport qui est composée à la fois d'un monorail, un peu high-tech comme ça, et d'un système assez sophistiqué de transport en commun individuel, qu'on appelle le Wedway, et qui était déjà utilisé au Disneyland de Los Angeles. Cette épine dorsale connecte 3 principales centralités. Tout au bout, le Disneyland lui-même. Au milieu, un centre urbain pour à peu près 20 000 habitants, centré sur un gratte-ciel de 30 étages, qui est un hôtel, au pied duquel se déploie un quartier assez dense, plutôt commercial, fait de bâtiments d'architecture thématisée, faisant référence aux bâtiments historicistes, un peu comme on trouve à Main Street, et un quartier couvert d'un grand voile de verre, hein, une sorte de mélange entre centre commercial, le mall tel qu'il s'invente aux États-Unis à ce moment-là, et une ville ancienne fantasmée. Et puis autour, des quartiers d'habitation suburbains assez peu denses. Et puis, le troisième élément de cette ville, c'est un quartier de travail, donc une sorte de Silicon Valley de l'époque, avec des entreprises, des bureaux, des laboratoires, un quartier de travail centré sur la question de l'innovation technologique et industrielle. Et donc, un projet très ambitieux, en fait, qui articulait le loisir, le travail et la vie quotidienne, en fait. Walt Disney est mort avant de pouvoir bâtir Epcot. En lieu et place, la filière immobilière de Disney a construit dans les années 90 Celebration, une petite ville ripollinée et thématisée comme un parc, un environnement à la Truman Show, que l'entreprise s'est aussi attelée à reproduire autour de son parc de Disneyland Paris. Ici, en région parisienne, au Val d'Europe, en 1987, au moment où une convention est signée entre Disney et Jacques Chirac, et la ville de Paris, il ne s'agit pas seulement de faire un parc. Tout de suite, dès 1987, est imaginé, de la même manière, une espèce d'anneau autour du parc d'attractions, qui est un anneau immobilier dans lequel va s'élaborer un programme assez sophistiqué sous le contrôle de l'État, un peu, mais surtout sous le contrôle de Disney. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, ici, en Europe, Epcot a été réalisé ? Alors, c'est toujours le projet de Disney, hein, d'articuler le parc à thème à un développement immobilier. Donc ça a été fait à Val d'Europe, je dirais, avec un centre urbain prévu pour à peu près 25 000 habitants aussi, ça va sans doute être plus au final. Historiciste, avec une architecture thématisée, très décorée, alors néo-haussmannienne, néo-classique selon les quartiers, néo-art déco, néo tout ce qu'on veut, qui est aussi le dernier secteur opérationnel de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Donc ça, effectivement, là, il y a une articulation qui est maintenant assez bien rodée pour l'entreprise Disney. Mais moi, j'envisage l'analogie à Epcot à une autre échelle, au fond. Il me semble que ce schéma hein, de cette grande infrastructure de transport en commun qui connecte plusieurs polarités, qui sont des concentrations soit de richesses, de forces de travail, d'habitants, etc. On le retrouve finalement à l'échelle métropolitaine, au fond, dans l'articulation entre le parc à thème au bout de la ligne du RER A. Hein. À l'autre bout de la ligne du RER A, on aurait la Défense, le quartier d'affaires, le quartier du travail, concentration comme ça de richesses et de travailleurs. Et puis, au milieu, la ville de Paris, hein, dont le rapport à Disney est complètement renversé. Hein. On pourrait penser dans un premier temps que Disneyland, c'est une sorte de lointaine extension du développement métropolitain de Paris qui serait partie du centre et qui serait allée à la périphérie. Et puis là, on se demande, quand on connaît aujourd'hui Paris, hein, qui tend à devenir un hyper-Paris, un Paris raffiné jusqu'à la caricature, je cite Rem Koolhaas, un Paris qui devient la caricature de lui-même, qui s'auto-thématise finalement, qui au fond se déréalise par cette auto-thématisation. Finalement, on a l'impression que ce Paris est comme vassalisé par rapport à cette logique d'Epcot hein, qui vient irriguer et structurer complètement la géographie francilienne hein, avec le parc à thème, le centre urbain et le quartier d'affaires. Quand vous dites la Paris s'auto-thématise, c'est-à-dire elle se caricature elle-même, elle rénove ses façades, elle fait du Paris 19e siècle encore plus qu'elle ne l'est déjà. Elle se vide aussi de ses habitants, hein, c'est le triomphe du Airbnb, de la location touristique, de la location saisonnière, donc une sorte de domination de l'industrie touristique dans Paris. Quand on flâne à Paris aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un gigantesque centre commercial à ciel ouvert, ou un parc d'attractions. D'ailleurs, les politiques municipales en la matière sont extrêmement volontaristes et dynamiques, hein, des nuits blanches à Paris plage. On est dans une animation permanente de l'espace public et dans cette transformation de l'espace public en un lieu du loisir perpétuel de jour comme de nuit. Et c'est un petit peu la même chose dans Epcot, hein, dans le projet de 1966. On a cette idée d'une population toujours en mouvement, toujours transitoire. D'ailleurs, la ville d'Epcot est centrée sur un hôtel. Elle n'est pas centrée sur un monument stable, sur un hôtel de ville, non, elle est centrée sur un hôtel, donc un lieu où on ne reste pas, où on ne fait que passer. Donc on a le modèle là d'une urbanité où on est toujours de passage, on n'est jamais dans la fixité. Hein. Disney détestait la fixité. On est tout le temps en mouvement. Et d'ailleurs, dans le film sur Epcot, Disney dit « Dans Epcot, il n'y aura pas d'oisifs, il n'y aura pas de chômeurs, il n'y aura pas de retraités, il n'y aura pas de propriétaires. Hein. Il n'y aura que des gens qui participent à construire en permanence cette ville, qui font vivre Epcot. » Donc c'est plus une ville qui permet aux gens de vivre, c'est les gens qui font vivre la ville par leur travail, par leur mouvement perpétuel. Merci de bien avancer. Équipement mégal al fondo, par favor, pero en todo les filles au centre. The girls in the center, please, on the back. Thank you. There's still a lot of people. Silence, mesdames et messieurs. Bonne sécurité, s'il vous plaît. Je vous demanderai de vous avancer au maximum au centre de la pièce. Merci. For your safety, please move to the center. Thank you. Merci. Allez. C'était la ville féerique ou comment les parcs d'attractions ont modelé nos villes. Avec Christophe Leribaud, Françoise Fromoneau, Pierre Chabard et les voix de Jean Rouch et Walt Disney. Notre visite commence ici, dans cette galerie, où vous pouvez admirer la douceur et l'innocence de la jeunesse. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Merci à Didier Ottinger et Stéphane de Goutin. Lecture, Olivier Martineau. Prise de son, Benjamin Chauvin et Frédéric Kérou. Mixage, Valérie Lavalard. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire de Camille Jusa. Sans problème à résoudre. Par où sortir ?